Aujourd'hui, le lundi 7 mai 2018, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! En passant, ça va bien, vous autres? Oui? Bon, tant mieux. J'espère que ça le restera pendant toute la semaine et surtout pendant ces 2 heures. Vous êtes en compagnie de Reynald Gagné, moi, à l'émission Errance Rénaldienne, diffusée sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec. Et pour le début de cette belle émission qui promet, car je vais rencontrer dans quelques minutes avec vous. Excusez-moi, j'ai la garlotte qui tremblote, puisque j'ai été séduit par Tibeyo de son véritable nom, Jeanne Gaucher. Ce soir, je veux et j'exige un laboratoire d'improvisation avec 5 mots tirés d'un livre de Claire Vassé que j'ai eu la chance également de rencontrer il y a quelques années, je crois 3 ou 4 ans. Le livre s'intitule « De là où tu es ». Je vous le conseille fortement si vous aimez le 7e art, si vous aimez les histoires amoureuses. Je ne vous en raconte pas plus, sauf qu'elle était la maîtresse d'un réalisateur français. Si vous avez écouté les émissions depuis 14 ans et il y a 4 ans, 3 ans, vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est un grand point d'interrogation et ça ressemble à ça. Hein? Avez-vous vu le point d'interrogation? S'ériger. Se diriger en haut de votre tête. Pour ainsi, avec sa petite boule en bas de la courbe, la petite boule, là, vous l'avez accueillie sur la tête et vous avez fait... Hein? Est-ce qu'il m'arrive? Ça démarre étrangement la semaine. Hein? Hein? Les mouches vont sortir dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ne vous en faites pas. Ma langue française, je la French. Ça va bien, vous? Je fais exprès. Moi aussi. Écoutez, j'ai ça dans le sang. Il y en a qui... J'ai le rythme dans le sang, cette histoire, je le sens, ne finira pas sans infusion de sang. Pas infusion, mais effusion. Comme implosion, explosion, implosion, explosion, pas même chose, là. Pas la même catégorie. Ça implose, c'est à l'intérieur, ça explose, c'est à l'extérieur. Madame Thibodeau, elle a un postérieur qui explose d'amour. Alors, Claire Vassé, de là où tu es, j'ai choisi la page, bien sûr, comme je suis, vous savez quoi, page 69. J'aurais pu vous lire, parce que c'est très court, là. Je me souviens de notre première rupture. Là encore, c'était différent d'avec les autres hommes. Toi, je t'ai écrit ma première lettre d'adieu avant même que nous soyons amants. Ma déclaration d'amour, tu l'avais accueillie tout naturellement et tu y avais répondu sur le même mode. Oui. Nous étions irrésistiblement poussés l'un vers l'autre. Fidèlement à ton esprit tragique, tu entrevoyais d'emblée les difficultés. Qu'allons-nous faire de ça? Mais jamais ton instinct de vie n'aurait envisagé de tuer la flamme entre nous. Restait à savoir quand nous pourrions nous voir. Il me semblait inconcevable que nous devions attendre mon retour de la Réunion. 3 semaines plus tard, une éternité. Tu m'as proposé de se retrouver à la filmothèque du quartier latin 5 jours après, le dimanche soir, trop de points de suspension. Donc, j'ai choisi. Ça, c'est commencé de tragique. Et rentrer une indienne, c'est pas rigolo aussi, normalement. Ben oui, normalement, mais là, non. Pendant la lecture, il faut rester calme. Il faut vraiment lire le texte de Claire Vassé et mettre un peu de soi-même et de son vécu. Vous l'avez, hein? Je sais que Mme Thibaudet n'est plus capable, elle se retient. Elle se retient, elle n'est plus capable, elle va pleurer. Bon, pleurez un petit coup, là. On va vous attendre. Bon. Avez-vous un mouchoir? Voulez-vous un mouchoir? Prenez ma cravate. J'en ai pas, mais oui, mais prenez ma cravate imaginaire, c'est la même chose. Ça éponge autant. Parce que sinon, moi, c'est de la soie. Ça glisse de la soie, ça éponge pas, ça... Exactement, ça étale. Yvan Attal le sait que ça étale. Eh, mon dos. Lui, il est étalé sur son talent, c'est merveilleux, je l'adore. Donc, j'ai choisi du texte que je vous ai lu à la page 69 du livre qui s'intitule « De là où tu es ». Souviens, déclaration, flamme, réunion, filmothèque. Alors là, nous débutons tout ça. Mais pour vous préparer et surtout pour me faire choisir, bien sûr, un petit cocktail au jus. Je ne sais pas si je vais prendre jus de pamplemousse rose, parce que jus de pamplemousse rose et jus de pamplemousse jaune, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, pour les amateurs, c'est semblable. Mais il faut cultiver nos papilles gustatives. Alors, je me suis demandé, pendant que je vous lisais le texte, est-ce que je vais me prendre un jus d'orange ou un jus de pamplemousse? Mais j'ai le goût d'un bon jus de pamplemousse rose. Pour me préparer, surtout me mettre en bouche, j'ai malheureusement, après une grosse journée où j'ai crié mon amour pour ma muse, j'ai comme une mini extinction de voix. Je sais que ça paraît pas. Comme dit Gilbert, que le spectacle continue. Ou Freddie Mercury, Show Must Go On. Mais là, en attendant, pour que je puisse me verser un verre, là, vous allez vous dire, « Mais oui, mais tu te prépares avant. Tu nous fais pas attendre, languir. On n'est plus capable. On sait plus comment te prendre, toi, depuis quelque temps. On sait pas si tu vas revenir à la normale. On voulait pas te le dire, là, mais on s'inquiète de toi. Comment vas-tu? Tes enfants, tes amantes, ta vie amoureuse, ton petit dernier, il a-tu essuyé la petite... Oui, hein? Je te l'avais demandé hier. Tu l'es... Ben oui, mais ça sèche. Ben c'est quand ça arrive que tu dois essuyer, pas après. Après, ça fait une croûte. C'est pour ça, sur la Terre, on a attendu, puis on appelle ça la croûte terrestre. Là. Puis là, c'est difficile à décaper une croûte terrestre. Surtout quand c'est pas plat, quand c'est rond. Puis là, quand ça sèche, ce qui arrive, c'est qu'il y a des petits creux à travers. Là. C'est pas parfait, c'est pas un rond parfait. C'est pour ça que l'on dit que la Terre ne tourne pas rond. Hein? Ça tourne pas rond. Ah, ça tourne pas rond. Hein? On peut aussi amener ça, comme nous sommes nous-mêmes un univers. Je viens de dévoiler quelque chose ce soir-là. Hein? C'est ce matin. Nous sommes un univers. Donc, on entend des choses comme « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Il part. Mais non, c'est pas ça. Je tourne pas rond. Ça va pas bien, je peux pas aller travailler, là. C'est lundi. Oui, j'ai écouté une émission là, qui m'a perdu. M'a cherché à comprendre encore pendant une semaine. Là. Est-ce que je peux être en arrêt de travail, monsieur le on va appeler monsieur mon patron. Moi, j'ai un patron. Ben oui, mais écoutez, même si j'aiguise des cure-dents, c'est mon travail, moi, aiguiser des cure-dents. Tu dois aiguiser des cure-dents quand je dis ça aux gens, là. Quand je veux faire des rencontres amoureuses dans les bois. Quand je leur dis, moi, que j'aiguise les cure-dents, je dois te faire ça dans la vie, moi, c'est qui m'empêche, à part vous autres, à part de rire de moi, à part de me mettre à part de la société contemporaine. J'ai un bac plus 3, moi, un bac plus 3, petite feuille à terre, là. En micro-scientifique, en micro-science, Micro-science, j'ai une formation. Ça va mal. Je vais appeler mon patron, on ne peut pas rentrer travailler. Attendez-nous. Oui, madame. Avez-vous les compétences d'appeler mon patron? Je vais vous écrire son numéro de téléphone, parce que si je le dis en ondes, ils vont tous l'appeler. Hein? On sait comment c'est, ce monde-là. Hein? Attendez un peu mon écrin, là. Oui. OK. Voilà. Regardez, madame. Regardez. Pouvez-vous l'appeler? Dans 5 secondes, on va attendre 5 secondes. Bon. On a attendu 5 secondes. Ça a duré 5 secondes et demie. On s'est inscrit. On est pas vite. Oh là, mais ça fait peur quand t'appelles ton patron. Tu sais pas comment il va réagir, hein? Allô, patron? Oh mon Dieu. C'est Jasmin, surprenant. Pas surprenant de m'entendre. Êtes-vous surpris de m'entendre, monsieur? Oui, bon. Hey, patron! Oui, je travaille. Je connais déjà vos réponses. C'est non, mais moi, c'est le sixième sens. Ça travaille. C'est comme les intestins. Ça me travaille depuis. Oh. Est-ce que ça peut être lié, mon sixième sens, puis les intestins, monsieur le. Oui! Êtes-vous docteur, vous? Oui, on sait, vous avez fait arrêter 3 fois. Mais, on demande encore vos certificats. Mais vous êtes mon véritable patron, hein? Bon. Je travaille chez vous. C'est ça, je voulais prendre un petit jus, mais je peux pas. Je suis parti chez notre employé. Hein? Des improbabilités, c'est impossible. Monsieur le patron? Il est encore là, il n'a pas raccroché. Vous connaissez ses querelles? Vous l'écoutez tout le temps, vous, hein? Lui, c'est un cinglé, ses querelles. Moi, vous expliquer ce qui se passe dans sa vie. C'est que dans sa voiture, bien sûr, c'est ses querelles, c'est pas compliqué. Dans son baladeur, c'est ses querelles. Et il s'est fait faire sur mesure. L'oreiller où il se couche la tête avec trois petits senseurs qui diffusent, mais d'une manière tellement veloutée, la station de CQRL qui dort, mais à peine pour tout entendre, pour rien manquer. C'est un véritable fanatique. C'est vrai, monsieur? Bravo. Il est tellement fanatique qui est membre 6 fois du CQRL. Puis il m'a dit un peu pourquoi, mais je peux pas parler de sa vie privée. Ça me gêne un peu. Est-ce qu'on peut dévoiler les terribles secrets? Oh! On va dévoiler les terribles secrets! Monsieur a des amis imaginaires. Tous ses amis imaginaires, il y en a 6, sont membres de CQRL, avec lui-même, donc 7. Il est heureux, ce gars-là. Vous êtes heureux, monsieur Pallon? Monsieur. Hey, lui, là, avant d'être patron, il a fait un croquis de lui-même. Hein? Oui, exactement. On appelle ça. Hein? Il a fait un patron pour être un patron. Puis là, en esquissant ce qu'il allait être, c'est pas facile, j'allais pas à mon âge, puis en plus, je suis pas du bon sexe, moi, là. On s'est trompé de sexe pour l'allaitement. Mais ça, monsieur, mon patron, on va pas rentrer dans l'allaitement. Oui, il veut rentrer dans n'importe quoi. Il aime ça de même. Vous aimez ça, vous, hein? Oui, il aime ça de même. C'est que, patron, je vous appelle, pas pour... vous connaissez mon émission, c'est sûr, c'est... Mais c'est pas moi, je suis comme un co-animateur ou je suis comme un personnage qui arrive quelquefois à cette émission-là. Mais là, c'est pas quelquefois, c'est la première fois que je suis là. Oui, il savait, vous connaissiez pas avant, c'est correct, hein? Oui. Ah oui, parce que lui... Ah oui, c'est vrai. On peut-tu encore dévoiler le deuxième terrible secret? Oh, OK. Lui, là, quand il se sépare de cette station préférée communautaire francophone, la première au monde, il s'en crée dans sa tête des émissions, il s'en fait des émissions, puis il me voit souvent là-dessus, puis il m'a dit, « Mon enfant, je te pardonne pas, Mais je t'entendrais tellement à CQRL avec Rénal Grenier. Rénal Grenier, on dirait que si vous êtes comme ensemble. Fait que moi, depuis ce temps-là, ben, j'ai essayé d'écrire à Rénal Grenier. Mais Rénal Grenier, j'ai rien gagné. Mais pas gagné, son, il m'a pas appelé. J'ai dû demander à mon ancienne concubine, parce que je savais bien qu'il était... Hein, il était, on le sait, là, qui... Ma concubine a dit, « Vous connaissez mon maman, mon ancien copain? » Et là, il s'est intéressé. Là, il l'a appelé. Puis c'est par elle que j'ai pu dévoiler des... Et lui demander des... Puis c'est pour ça que je suis ici! Un patron! Bon, ça va pas très bien. ça a pas l'air dans ma voix que... Oui, vous pensez que c'est une supercherie pour ne pas rentrer travailler ce matin? Surtout que c'est lundi! Mais, pendant toute la semaine. Pas juste une journée, toute la semaine. La semaine, c'est 7, là. Les enfants, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il va toutes les nommer, juste un cinglé. Samedi, ben oui, hey, c'est comme ça. Moi, là, c'est pédagogique. Je fais une émission pédagogique. Si je fais pas de pédagogie, on dirait que c'est anormalement intéressant, puis les gens vont commencer à dire que « Oh! Il décroche de partout, mais non. Dimanche, il manquait dimanche. Hein? Vous l'avez manqué, vous l'avez oublié dimanche, hein? Ben oui, ça fait quelques minutes. Ça fait 27 minutes. 26. En tout cas, ça dépend de votre montre, là. Ça fait à peine 25 minutes qu'on est dimanche, lundi. Je suis tout mêlé, moi. Ah, tout le temps. Patron, excusez-moi, c'est moi le patron. Non, c'est pas moi le patron, c'est une blague, patron. Je voulais juste vous créer un dédoublement de Marceau, Sophie Marceau. Pas Marceau le mime, non, mais c'est Marceau. De personnalité. OK. Ça fait que... Je peux pas rentrer travailler. Bon, non, mais je vais raconter rapidement pourquoi, parce que je sens que le public, là, s'alarme, puis on n'a plus assez de papier mouchoir pour éponger tout le public et les membres de CQRL, les auditeurs, les auditrices, et leurs ancêtres, et ainsi de suite, et va de la sienne, n'amène-en pas, parce qu'on n'a plus de place. Et donc, je peux pas rentrer là, parce que ça me trouble, moi. Moi, vous dire, moi, je suis un grand troublé, vous savez, puis j'ai la tremblotte dans la gorgeotte, puis on dirait que je me développe une grippe, là. Ou un rhume. Je sais pas la différence entre les deux, j'ai jamais su. J'ai demandé à des infirmières, écrivez-moi à Rénal Québec, à commencer à l'ouvrir. J'ai aucun message. Là, ils m'ont dit, c'est certain, tu dis ton courriel comme si tu disais ta messe du dimanche. Alors, si tu prends ton temps puis tu articules, les gens vont peut-être t'écrire. Pour te donner, pour t'éclairer, pour te dire ce que c'est la différence entre une grippe et un rhume. Alors, on va faire ça lentement. Prenez un petit papier, un petit crayon. On va vous le dire, le courriel. Rénald, R-A-Y-N-A-L-D, Québec. Tout collé, là. Tout collé. On aime ça coller serré ici. Q-U-E-B-E-C, à commercial, Hotmail, Hotmail, .com, com. Alors, Rénal Québec, à commercial, Hotmail.com. Ça vous rappelle des dictées qu'on avait au primaire, à l'élémentaire, quand le professeur lisait lentement, là, je me souviens. De notre première rupture. Là encore, c'était différent qu'avec les autres hommes. Toi, je t'ai écrit ma première lettre d'adieu avant même que nous soyons amants. Point. J'ai oublié de faire les comptes. Alors, écrivez les enfants, là. Je me souviens. La professeure passait dans les allées, là. Je me souviens de notre première rupture. Point. Elle se promenait encore dans les allées, puis elle regardait dans les cahiers si on écrivait bien. De notre première rupture. Point. Là encore, virgule, Elle avait le nez qui jonchait tous les cahiers, là. Là encore, virgule, puis elle l'articulait comme si elle était à Radio-Canada, dans une radio d'État. Là, ça finissait plus, ça finissait pas, ça prenait 25 minutes pour une petite 3-4 lignes, là. Je me souviens de ça, moi, là. C'est un traumatisme, là. C'est pour ça. Hey, monsieur, c'est pas. Ah oui, c'est juste pour ça que je peux pas rentrer travailler. Est-ce que vous m'autorisez une semaine de réflexion? En fait, parce que. Avec mon psychologue, là, je dois faire. On appelle ça une. Une régression. Est-ce que je peux faire une régression pendant une semaine, s'il vous plaît, monsieur le patron? Oui. Je veux pas exagérer, là. Je sais que parce que vous êtes assez cohérent, vous voulez bien paraître, puis je viens de vous parler, puis vous êtes très sympathique. Mais pendant la semaine où je serai absent, là, est-ce que je pourrais être rémunéré? Est-ce que je pourrais avoir... Excusez-moi, on dirait que je suis pas capable de le dire. C'est un arrêt freudien. Est-ce que je pourrais avoir... Hein, vous allez me payer? Merci, vous êtes champagne. Vous êtes sympathique. Il y a des journées très longues où ça va vraiment mal. Il y a juste des comptes qui tombent dans ta boîte à mal. T'essayes de discuter avec la dame du téléphone. Vous avez deux jours pour payer. C'est pas même le fun. On est dans la merde. On est dans la merde. Ça fait déjà 3 mois que t'as pas travaillé. Aujourd'hui, tu y vas, t'as l'air bien décidé. Au bureau du BS, on sert le numéro 22. Mais y'a du monde à la messe, t'as le numéro 102. On est dans la merde. Ta blonde est ben tannée de t'entendre chialer tout le temps. Elle trouve que t'as bien changé, pis que t'as plus le même swing qu'avant. Tu passes tes grandes journées effoirées sur le divan, nourrie, logée, lavée, pis tu y dois de l'argent. Un peu, tu te dis ça se peut pas. Toi qui fais toujours de ton mieux, tu comprends pas que ça marche pas. La source de tes problèmes doit être dans la société. Je te gage que c'est le système qui est pas fait pour toi. Devant ce grand mystère, tu fumes un gros pétard, tu te débouches une bonne bière, puis tu sors ta guitare. C'est là que ça sonne à la porte. C'est qui encore calvaire? Ben c'est monsieur la porte là. Votre propriétaire. Si vous avez pas perdu le fil depuis le début, nous sommes toujours, ça n'a pas changé là. Auditeur chéri, nous sommes toujours le 7 mai 2018. Je reçois toujours mon ami Tibenyo, alias de son nom de citoyenne, Joanne Gaucher, ou Jeanne Gaucher, pardonne-moi. Donc, nous étions rendus plus précisément dans l'improvisation. Claire Vassé, de là où tu es, page 69, 5 mots, souviens, déclaration, flamme, réunion et filmothèque. Action! Ah! Ah! Je me souviens, de cette petite déclaration. Pour ne pas dire flamme. Les flammes du souvenir nous ramènent à cette déclaration des plus soutenues dans cette réunion sécaérélienne et de l'errance rénaldienne. Ouvrons dans notre sarcophage que l'on appelle réflexion, pensée, souvenir, pour venir à souvenir, la filmographie de notre vie depuis le début. Toutes les mots ont été dit. Je continue mon impro. Filmographie de notre vie. Souvenons-nous d'avoir été. Déclarons à notre amoureuse, à notre amoureux, que nous l'aimons. Enflammons-nous sur il ou sur elle. Réunissons-nous autour de nos corps et filmons tout ça, histoire de le placer dans notre mémoire, dans notre sarcophage que l'on appelle la réminiscence. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. J'en vois pas, moi, David. Je vois personne ici au-dessus, au-dessous. Je vois rien, Puis j'ai dit à ma femme, Marguerite, lave-moi mes lunettes avec tes pétales si charmantes. Laisse voir à travers mon iris notre amour dilettante. Pas pire, hein? Ça fait peur. Ça, c'est de la poésie, là. Ça, c'est le bonhomme 7 heures. Aujourd'hui, c'est le bonhomme 19 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, c'est vrai qu'on était à l'heure américaine. Nous sommes des Américains, j'en suis inconscient. Mais états-unienne, c'était l'heure états-unienne. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, là, on dit à 5 heures, voici vos informations, mais en anglais. En anglais que j'aime pas trop parce que en anglais je comprends pas. Mais je suis pas bloqué. Je suis pas bouché, moi, là. Pas bouché à 40, même à 53. Un peu à 95, mais à peine à 69. Mais ce qu'il voulait dire, donc, non, je suis bien ouvert. Bien ouvert. Je ferme jamais, moi. Je suis 24 heures sur 24 ouvert. À des réflexions, à des. Surtout des. Comment t'appelles ça? Non, des cauchemars. J'en fais-tu des cauchemars depuis quelque temps, moi? Je rêve que je rêve plus. Je rêve que je suis fatigué. Ça, c'est vrai. Je rêve que je suis fatigué. Puis je me réveille fatigué. Je rêve qu'il n'y a plus d'espoir dans le rêve. Au Québec. Partout. Parce qu'il faut se lâcher le nombril à un moment donné. OK, oui, on peut comprendre. On peut faire de l'hygiène nombriliste. Enlever quelques petites mousses. Mais la mousse, et Pierre le sait, Pierre ramasse la mousse depuis son existence. Toute son existence, il la ramasse, la mousse, lui. Il en souffre un coup, il n'est pas capable, il n'est plus capable, il se sent comme un éléphant qui ne peut pas voler. Et l'éléphant a déjà volé. Walt Disney nous l'a prouvé. Ça prend juste des Walt Disney. Ça prend juste quelqu'un qui on nous a fait croire que M. Disney lui-même a été gelé. Mais quand il a fait toutes ses séries, il était gelé bien dur. Il était gelé vivant, mais gelé bien dur. C'est pas lui, là. Lui, je sais même pas pourquoi on lui attribue. Ben, Walt Disney, c'est son univers, c'est son royaume. Mais il n'y a rien écrit, ce bonhomme-là, là. C'est comme Rockefeller. Il a déboursé. Il a payé, là. Il a payé. Bumbo, là. Comment ça vaut, Bumbo? Bumbo, c'est pas Bumbo, monsieur le producteur. C'est pas Bumbo du tout. C'est pas Bumbo de dire ça. C'est pas Bumbo non plus de donner de l'argent à gauche et à droite et jamais dans le milieu. C'est pas Bumbo non plus de danser le Bumbo comme vous le faites avec votre grosse bédaine puis votre face insignifiante. Monsieur, c'est Dumbo. Dumbo, l'éléphant volant. C'est une belle féerie, ça, comment faire voler un éléphant en 2 leçons et 3 pleurs. Plus tu pleures, plus tu décolles. Sais-tu pourquoi? Les larmes, tu vas évacuer, là. C'est comme les avions. Quand ils rêvent plus, eux autres, ils rêvent, les avions, quand les roues d'atterrissage n'apparaissent pas, lors de l'atterrissage, bien sûr, ils doivent faire des cauchemars, là. Ils doivent vider leur essence pour être plus léger, pour atterrir sur la bédaine. Parce que si tu atterris sur la bédaine, plein d'essence, tu vas faire dur. Tu vas être épouvantablement... Tu vas avoir une cuisson là, un peu trop carbonisée. Mais là, c'est pour ça que tu demandes à tout le monde d'attachez-vous. Il faut les reconnaître après. C'est une blague de Pierre Labelle a fait beaucoup de bonnes blagues qui a été repris malheureusement par le voleur de blagues, Roland McDan. Puis, il y a une série, j'ai vu une petite série là, télévisée, là, comment les humoristes piquent des blagues aux États-Unis, leur mettent à la sauce du jour, mais sans dire d'où vient. Je reprends des sans doute, là, inconsciemment. Mais comme je le dis souvent, j'ai l'inconscient pas mal conscient. Quand ça vient de quelqu'un, je le dis. J'ai pas peur de le dire. J'ai juste peur des voitures de police, mais sinon, j'ai pas peur de rien. Puis ça, c'est récent, le 19 janvier, c'est là que ça a commencé. 19 janvier. Avant ça, moi, une voiture de police, bonjour, vous avez des bonnes blanches, mais j'ai... Non, c'est plus de même, là. Je peux pas dire d'autre chose, là, mais c'est plus de même. J'ai rien à me reprocher, moi, là. Tu vas dire, t'as fait des cauchemars. Non. Il y a une personne malveillante. Point final. Faites des recherches. Allez voir ce gaga. Hein? Personne malveillante, Rénal Grogny, Irence Renadienne. C'est quoi? Non, ça n'a rien à voir avec Irence Renadienne, c'est quoi, là? Mais allez voir malveillance. Personne malveillante. C'est pas celle qui dort pas, là, puis qui veille, là. C'est celle qui n'a rien à glander de sa vie. Qui veut mettre les autres dans le pétrin. Les autres qui n'ont absolument rien à voir dans une histoire. Dans cette histoire-là. Bref, tu t'es collé, comme en hiver, là. Tu sais, en hiver, quand tu fais voir, il fait voir l'hiver, c'est pas chaud l'hiver, là. Tu te colles la langue sur du métal, tu restes collé. T'as-tu quelque chose à t'approcher? Oui, t'avoir collé là, la langue là. Mais sinon, t'as il y a des gens autour de toi qui sont nuisibles. C'est bien simple. Nuisibles. Prends-le comme tu veux, à l'endroit, à l'envers. Nuisibles. Tu ne sais pas avant d'y avoir touché, avant de les avoir rencontrés. Heureusement, madame, mademoiselle, monsieur, rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça. Mais je suis tombé à un moment donné sur une personne qui était de même. Non, mais c'est pas important, c'est du passé. D'un passé décomposé, je décompose depuis quelque temps. Je décompose souvent, puis ça va mieux. Mes enfants prennent du mieux. Mon Wawaron, je me suis acheté un petit Wawaron, Walt Disney. Il regarde, il aime bien ça, ces émissions-là, lui, Walt Disney, parce qu'il ben, vient un peu de là, hein. C'est un Wawaron de Walt Disney. Si ça aurait été un Wawaron d'Errance Renadienne, il serait constamment en train de m'écouter et de jubiler. Oh non! Mais on arrête le temps. Aujourd'hui, le lundi, 7 mai 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs nounes. Plusieurs nounes? Oh non! Plusieurs routes pour nous et entre nous. Alors, laissons sur la chaussée des valises trop lourdes. On parlait de l'autre, là. Je pense à ça, peut-être à ça. Les valises, c'est inconscient, mais j'ai l'inconscient très conscient. C'est pour ça que je vous dis ça, que ça vient de là. Maintenant, j'ai aucun soupçon. Ça vient de là. Cessons la chose. Ils confient le plaisir. Et laissons ce soir l'émission nous charmer grâce à mon ami, et je vais dire son nom d'artiste, T. Benio, qui est actrice heureuse. Elle n'est pas une actrice, elle n'est pas triste, c'est une actreuse heureuse. C'est une actrice heureuse. Pour la première fois, une actrice heureuse. Brillante, scintillante, ça c'est des beaux synonymes. Et surtout, ce que vous allez entendre, ça a été capté grâce à mes bancs publics que j'organise à chaque année sur la rue des Abbesses. Donc, vous allez vous sentir au niveau du feu de camp. C'est un avant-goût de feu de camp, là. Sortez vos guimauves. C'est là que ça se passe à partir de maintenant, car je vous laisse tout le reste et 100% T. Benio. Bonne écoute. À la lune, terre et mer, s'aimant, poussières et rivières s'élèvent et dansent tendrement. Dans les plis de la nuit, je cherche à disparaître tellement pour oublier peut-être que le jour vient. Kiss me before the night ends and keeps in his park of hope. Kiss me before the sun rises and burns. I need you of love. Le soleil, les nuages volent le temps. Les rayons encore frêles s'étirent en tremblant. Sous tes paupières, je cherche à me cacher tellement pour oublier peut-être que le jour vient en levant. Park of hope. Kiss me before the sun rises and burns. I need you of love. De la nuit, je cherche à disparaître tellement pour oublier peut-être que le jour vient en levant. C'est mignon ça. Ben oui, ben en fait c'est une chanteuse. Ouais, ben c'est un coup de vent. Puis Jeanne, que, pas Jeanne, ça c'est toi Jeanne, mais j'ai une amie qui a appelé ce petit, je sais pas là, cette perruque-là, une chatte. Ah oui! Donc on va lui garder, on va lui laisser ce prénom-là. Bon, c'est quand même tout à fait... Ben, malheureusement, ça ronronne pas. Durant notre rencontre, ça ne rendra pas, ça va rester. Non, c'est silencieux. Dommage. C'est silencieux. Ben oui, mais on ne sait jamais. On va laisser tout ça aller. Alors, je serais content de te voir, puisque c'est arrivé comme ça, par hasard. Ben oui, carrément. Et les hasards, j'y crois. Pas à la loterie, mais dans la vie, oui. C'est un peu plus réel. On est certain de gagner dans la vie, tandis qu'à la loterie, c'est des conneries. C'est vrai. Donc, toi, tu as plusieurs tentacules. Parce tentacules? Que, oui. Ah ouais? Ben oui. Ben, t'es pas juste comédienne, tu es chanteuse. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, t'as commencé à rêvasser à ça à l'âge de 16 ans. Voilà, c'est ça. Ah, t'es allé chercher sur des sites, c'est ça? Ben, j'ai travaillé cette nuit. Je dors pas la nuit, je travaille. Non, c'est vrai que j'ai... Ouais. Ça a commencé, le chant, ça a commencé tôt, ouais. L'envie de chanter. Après, le fait d'en faire vraiment carrière, ça a pris du temps, finalement. Oh. Ah oui, moi, j'ai pas du tout regardé... Ok, mais on va prendre notre temps. Je vais te laisser choisir. Okay. Je vais pas être une originalité forcément... Exceptionnel. Toi, tu prends quoi, toi? Ce que tu vas prendre. Ah! Pour être en osmose, c'est ça. Oh. Ah oui? Ouais. Un jus de fruits. Ok. Tu veux quoi, toi? Il y a orange, ananas, tomate, abricot. Ah, il y a abricot deux fois. Peut-être que le premier n'a pas le même goût que le deuxième. Mais est-ce qu'il y a un S de plus ou un B non, de plus? Non, rien. Ah, okay. Partout pareil. Ah, ah, ah. C'est une surprise. Ok. Et pomme et pamplemousse. Et toi? Ananas. Ok, parfait. Allez. Ah oui, on y va. Donc, c'est ça, à 16 ans, tu as commencé. Et au début, est-ce que tes parents étaient dans ce milieu-là? Pas du tout. Ouais. Moi, mon père, enfin bon, ceci dit, ils sont dans le milieu artistique. Hein. Oui. Ils ont fait les arts déco tous les deux, ouais. Mais ils étaient plutôt dans les arts plastiques. OK. Mais alors, l'influence a commencé un peu là. Il y avait des choses chez toi qui t'ont titillé. Voilà. Ouais. Je pense que quand même, j'ai T'étais pas partie de nulle part. Non, voilà. Carrément. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que le chant, par contre, la musique... Enfin, si, ceci dit, mon père aussi a fait de la musique. Quand j'étais petite, il m'emmenait dans les concerts. Lui, il était clavier, en fait. Dans un professionnel? Il a essayé au début, ouais. OK. Mais il habite finalement, et maintenant il est maître d'art en métal. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille le métal. Voilà. Mais il a fait des débuts en musique, donc c'est vrai que quelque part, c'est peut-être ça. Hein, mais c'est là. Quand j'étais vraiment toute bébé, quoi, que j'assistais au concert. Ah, c'est intéressant. Alors finalement, on va prendre deux jus d'ananas. Deux jus d'ananas. Et donc, c'est... Ah, j'ai vendu. C'est en voyant ton père et ta mère, peut-être c'est inconscient. Oui, c'est ça, parce que limite, c'était pas... Voilà, quand j'ai grandi, il était plus musicien. Enfin bon, il jouait un peu de piano à la maison, forcément. Mais il y avait encore de l'art, quand même. Hein? Il y avait de l'art dans l'air. Voilà, non, l'art ça c'est présent. Sûr que j'ai... Ouais. Il y avait quelque chose, puis dans les grands-parents aussi, il y a des choses. Okay. J'ai un grand-père qui est plasticien aussi. Bon, voilà, c'est pas venu... Il y avait... Non, c'est pas venu par là. Mais l'enfance a commencé comme toutes les petites filles jusqu'à l'âge de 16 ans, où là, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose. Ça a été plus long que ça, en vérité, okay. Parce que c'est vrai que j'ai simplifié les choses, mais c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai fait du chant lyrique, parce qu'apparemment, j'avais une voix lyrique naturelle. Okay. Et en fait, suite à une petite déconvenue, une audition, j'ai perdu mes moyens et je me suis dit, en fait, c'est trop dur. c'est trop dur de chanter. Ah, hyper. Parce qu'on disait à 16 ans, on était encore un peu. Ah non, pas du tout. À toi, non. Ah, j'étais hyper impressionnée. Ah ouais. J'étais hyper impressionnée et du coup, j'ai mal interprété ça parce que finalement, je pense que le trac que j'ai eu, c'est parce que c'était très important pour moi. Et... Pression. Ah, tu mettais beaucoup de pression. Parce qu'à l'origine, il n'y en avait pas. Bah non. Mais tu t'es dit, peut-être, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça. Donc, c'est maintenant. Il faut que je la réussisse. Ça passe ou ça casse. Et ça a cassé, ouais. Donc j'ai fait bon, ok. Et donc finalement, j'ai fait les arts déco. Je me suis convaincue que je voulais devenir réalisatrice de cinéma. Et je suis passée par les arts déco parce que j'avais un peu ce fantasme depuis que mes parents s'y sont rencontrés. Il y avait une très belle histoire autour de ça. Et j'avais envie un peu de toucher à tout. Les arts déco, c'était une manière un peu de passer par tout plein d'ateliers différents. Puis prendre des connaissances, puis savoir si on aime davantage un style. Confirmer des choses. Et finalement, je me suis retrouvée en atelier de scénographie. Voilà, décor de théâtre. Et comme on était dans une école d'art, on se retrouvait un peu à faire tous les postes. Donc on a fait de la mise en scène, on a fait un peu tout ce qui... Enfin, on a tout fait un peu sur les projets. Je me suis régalée et ça m'a amenée sur la scène petit à petit, en fait. Voilà, je suis partie de Strasbourg avec mon diplôme. Merci. Donc pourquoi de Strasbourg. Mais de Strasbourg. Pour la passer. Ah non, il faut pas, il a ouvert. Il a dit qu'il a pas ouvert, mais il l'a ouvert. Ben non, moi, il a ouvert le mien. Non, mais il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça qu'il disait, faites attention. Oh, j'ai mis le doigt devant, sans comprendre ce qu'il Moi, j'ai failli en mettre partout. Ah oui, ah. Donc, tout ça pour dire Strasbourg, je suis repartie avec mon diplôme de scénographe en poche et en me disant que j'avais pas envie d'être scénographe. Donc, un petit peu ce truc de se dire, bon, maintenant, je fais c'était quoi? C'était une clé, mais tu voulais pas ouvrir de porte avec celle-là. Ouais, c'est ça. J'étais plus attirée par la mise en scène, en fait. Théâtrale. Et je suis tombée, sur un metteur en scène qui cherchait une assistante. C'est quand même assez miraculeux, tout ça arrive quasiment c'est jamais. Parce qu'une fois que tu étais assistante, tu peux regarder ce qui se passe. Exactement. C'est ton apprentissage, c'est ton voilà. école. Voilà, ça a été ma petite école. J'ai fait ma petite souris. Puis en plus, comme c'était un metteur en scène qui jouait sur scène aussi, dans ses spectacles, je me suis retrouvée à faire sa doublure. Donc je me suis retrouvée sur le plateau doublure comme de ça. Scène. Voilà. Ouais. J'étais. Je jouais les rôles de roi, tout ça, à sa place. Oh, ah ouais, mais c'est ton côté masculin qui a pris. Ça. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, mais du coup. Est-ce que c'est difficile d'être un homme? C'est ça. Moi même. Oui. Mais voilà, du coup, pendant plusieurs années, j'ai été assistante à la mise en scène. Je me suis formée comme comédienne, effectivement. J'ai eu plusieurs expériences. J'ai monté un projet en Martinique aussi, un projet qui était très important pour moi. On a monté le texte de Joseph Pia, Nous étions assis sur le rivage du monde, qui est un très très beau texte. Mais pourquoi ce texte-là? Bah, ça, c'est mon ami, c'est un ami comédien, Nelson Raphaël Madel, qui m'a proposé ce texte. Et en fait, il racontait l'histoire de ma mère quasiment par rapport à la Martinique. Mais lui, il savait pas, là? Non, il savait pas du tout. C'était le plus grand des hasards. Et il m'a proposé de jouer le rôle de la femme qui vraiment, c'est très proche de ce qu'a vécu ma mère. C'est-à-dire qu'elle a été un peu arrachée de l'île à 10 ans. Et après, quand elle est revenue après coup, adulte, elle s'est sentie étrangère, en fait. Et dans son propre pays. Voilà, ouais. Et du coup, c'est l'histoire un peu de ça, de comment on peut se sentir déraciné. Puis ça parle aussi de l'histoire de la Martinique, qui n'est pas légère non plus. Il y a un lourd héritage là-bas. Ouais. Donc, et en plus, on a monté ça pendant plein milieu des grèves. Il y a eu des grosses grèves, tout ça, à un moment donné. Donc c'était très chargé pour nous. L'émotion était au rendez-vous. On avait vraiment, c'est un volcan émotif. Ouais. Et voilà. Comment ça a été accueilli? Hein? Comment la pièce a été accueillie? Ah, bonne question. Très bien, et à la fois de manière grinçante aussi. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges autour de parce que t'es le miroir, de la création. Tu es le reflet, donc ça devait être assez... Ouais. C'était tendu, mais on aurait aimé pouvoir le jouer beaucoup plus, mais à cause des grèves, on a dû réduire le nombre de dates. Combien? Au début, je ne sais plus combien on avait de dates, et on a pu en faire qu'une, quoi. Parce qu'on nous a ouvert, on a galéré pour retrouver un lieu, parce que le théâtre municipal avait fermé. Alors t'as pas pu vraiment savoir la réaction après. C'est ça, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, quoi. On n'a pas pu beaucoup rencontrer, finalement. On a rencontré beaucoup pendant la création, mais pas autour de la création. Le mieux, c'est de rencontrer le public et non pas les gens qui gravitent autour de la création. Bien sûr. Ah oui. Voilà, du coup, c'était une expérience, mais très forte, très forte et puis très enrichissante. Même pour une représentation. C'est ce qui était avant qui était enrichissant. Exactement. Et voilà, et c'est suite un peu, je crois, à ce spectacle-là que je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, que ça me plaisait de transmettre des textes qui n'étaient pas les miens, mais que quelque part, j'avais bien envie aussi de raconter mes histoires. Donc, L'écriture, ça a commencé à me titiller. Raconter un peu ce que tu ressentais. Voilà, et c'est à cette période, vraiment mes premières compos datent de cette période-là, juste après 2010-2011, j'ai commencé à écrire seulement, mais j'avais pas, je faisais pas la scène. Non, des textes, deux chansons. Il y avait des choses qui commençaient à émerger. On m'avait mis une guitare dans les pattes en 2006. Là, dès que j'étais rentrée, dès que je suis arrivée à Paris, on m'a mis une guitare dans les mains, en fait. Un peu par hasard. Enfin, mais est-ce que tu savais jouer de la guitare? Non. Moi, j'ai commencé en 2006. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tourné à l'envers et tu l'as utilisé comme tambour? Je faisais des tambours, ouais. Oui. Ben non, mais en fait, c'est mon oncle il a été rodiste, en fait, pendant un temps. Aujourd'hui, il est kiné, mais... il était passionné de guitare et il en avait plein chez lui. Et à un moment donné, un soir, je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'avais très envie de chanter Tracy Chapman, qui est quand même quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Premier opus, le premier album. Exactement. Juste moi, je le connais presque par cœur. J'adore tous les morceaux. Ouais. Voilà. J'ai pas réécouté depuis longtemps, mais on va en diffuser, tiens, sur notre rencontre. Ouais. Peut-être même l'œuvre complète. Bah oui. Parce que c'est 28 minutes, c'est très court le premier album. C'est 14 minutes. Oui, c'est des chansons de 2 minutes, 2 minutes 30. Ah, j'ai pas remarqué. Tracy Chapman, que tu parles. Ouais, la noire. Ouais. Exactement. La meilleure de cet album-là, c'est Why, pour moi. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. C'est la même Tracy qu'on connaît. Aujourd'hui, elle est plus silencieuse. Oui, tout à fait. Mais j'ai vu qu'en fait, elle avait le luxe de tourner que quand elle voulait, en fait. Elle n'est pas dépendante économiquement. C'est le premier album qui lui a envoyé tout ça. C'est ça. Mais après ça, c'était la pression de faire d'autres albums. Je pense que c'est une artiste vraiment authentique. Donc, elle sait pas, elle n'a pas voulu diluer ce qu'elle avait à dire. Donc, elle respecte son rythme. Donc, c'est grâce à elle que tu as joué. Bah ouais, exactement. quelle chanson? Du coup, Baby Can I Hold You. Et ça, vraiment, c'est une très belle chanson. Enfin, ouais, voilà, que j'adore. L'album. Sorry. Bah, c'est vrai que c'était lent, c'était très lent. Hein. Voilà, j'ai finalement, pour te donner une idée, j'ai commencé les concerts en solo en 2016, donc 10 ans après. Avant, je me faisais accompagner sur scène. J'ai commencé timidement à m'accompagner, mais avec un autre guitariste à mes côtés. Mais le solo vraiment d'assumer d'être guitariste sur scène, ça a pris 10 ans. Ouais. Alors c'est l'autre qui jouait davantage les accords et toi tu suivais pour un peu. Non, c'est le contraire. Non, mais au début. Ah, au début dans le duo, c'est moi qui assurais la partie rythmique et il faisait des choses autour. Okay. Il posait les ambiances. C'était lui virtuose et toi t'étais la base. Voilà, moi j'étais la base. Voilà. Mais ouais, ça a pris du temps, surtout que j'étais pas persuadée que ça allait être mon métier. Donc je me suis pas mise 5 heures par jour, 10 heures par jour à répéter, faire des gammes, etc. Donc c'était vraiment très lent parce que c'est mon oncle qui de temps en temps me montrait le mi, le la, le machin, tiens entraîne-toi, reviens plus tard. Est-ce que tes textes étaient déjà pondus ou Alors il y en a certains que je chante encore aujourd'hui, ouais, qui datent de 2000, je sais plus. Mais ouais, peut-être y a des morceaux du début qui sont un peu des pépites que je porte encore sur scène. Okay. Ouais. Parce que tu les revendiques, tu les sens encore et tu trouves qu'ils ont quelque chose à dire. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, il y a un titre, God of Love, qui est un des textes les plus appréciés. Enfin, en tout cas, et pourquoi en anglais? Ah ah! Ben, surtout chez nous, hein. Allô? Bah, l'anglais, justement, j'y pensais en venant. C'est souvent une question qu'on me pose. Tu te préparais parce que tu savais que j'allais en parler. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, j'assume un peu plus le fait de m'être peut-être un petit peu cachée. Voilà. Mais au début, quand on me posait la question, je me disais, bah quoi, on n'a pas le droit d'emprunter des langues, on n'a pas le droit d'en aimer d'autres, on n'a pas le droit d'aimer le mélange. Parce qu'a priori... Moi, j'aurais pu comprendre l'italien. Pourquoi l'anglais, c'est la facilité? Non, anglais, français, espagnol. Et il y aura peut-être, il y a un morceau créole qui arrive aussi. Donc moi, j'ai envie de mélanger un peu, okay. En fait. C'est un français peu, aussi? Français, ouais, je chante français aussi. Mais du coup, l'anglais est venu au début parce que c'était naturel. Mais je crois aussi qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire des textes, en français, c'était très scolaire. Et j'ai l'impression que j'ai eu du mal au départ à me détacher de cette grammaire qui est quand même parfois un peu pesante. De l'académisme. Ah là là, la langue française est quand même très chargée en règles, très. Ouais. Voilà, faut bien la parler, mais faut la bien force, la respecter. C'est d'épurer, c'est ça la force. Hein? C'est d'épurer le texte. C'est vrai, mais j'ai pas tout de suite trouvé le chemin. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à écrire en anglais et la poésie que j'ai développée en anglais, je la récupère en français. C'est-à-dire que je redémarre pas à zéro quand j'ai commencé à écrire en français. Qui, voilà, la langue, ma manière de manipuler la langue anglaise, finalement, je l'ai retrouvée en français. Okay. Ça m'a aidé à prendre une distance, à m'amuser avec la langue, à trouver d'autres images. Alors, tu as eu plus de l'anglais au français parce que tu avais déjà des racines. Écoute, des racines en anglais? Non, je veux dire des racines dans la chanson. Tu savais que le refrain, ça ressemblait un peu à ça, donc en français, c'était plus facile de retransposer. De ah façon. Non, j'ai pas traduit, hein? Non, je sais. Ah, d'accord. Comme tu écrivais en anglais, quand tu te retrouvais en français, ben là, tu savais déjà la structure. Bah. Ou ça avait rien à voir? Non, je pense que vraiment, c'est le... C'est une manière de développer la langue. Après, je ne saurais pas l'expliquer autrement. C'est une manière de détourner, trouver des images que j'ai trouvées plus faciles avec l'anglais qu'avec le français. Et maintenant, je retrouve avec facilité dans le français et j'écris de plus en plus en français parce qu'évidemment, il y a une évidence, il y a quelque chose de plus agréable en sortie de scène. Et puis l'écoute n'est pas la même. Non. Pour chanter les deux langues, c'est hallucinant comme il n'y a pas la même atmosphère dans la salle. C'est très drôle. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur pour virer comme ça de l'anglais au français? C'est instinctif. Oui, complètement. Mon premier morceau français, ça a été À la Lune et il est venu tout seul. Hein. J'ai pas forcé, j'ai pas cherché, il est venu. J'ai eu tout d'un coup besoin. Là, t'avais un papier, un crayon, et là, le français est arrivé comme ça. Ouais, ben en fait, non, moi souvent, les musiques viennent musicalement plutôt. Ça vient quand je suis sur la guitare ou la sur un instrument. La musique arrive, les mots. Ouais, la musique. Chose, et la voilà, musique. Et j'ai une espèce de yaourt. Ah oui, et c'est vrai qu'on m'a expliqué récemment qu'en fait, les yaourts, il y a des différents yaourts en fonction des langues. Et le yaourt qui est venu ce jour-là, c'est du yaourt français. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et mais... tu savais décrypter ton yaourt. Ouais. Oui, mais mon yaourt, il est très consistant, mon yaourt, parce qu'il est... En fait, il amène tout de suite les thématiques. C'est assez drôle. J'ai un yaourt avec quelques mots. Et ces quelques mots des débuts vraiment du morceau, c'est les mots qui étaient le fond de la pensée de ce morceau. Alors, ce que tu veux dire, c'est que c'est les mots qui amènent les idées. Exactement. Ou alors, parfois, on peut se dire, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent ça, hein, que les artistes sont des antennes. Hein, donc ouais. La chanson, elle était là et je l'ai chopée. Et le au début, elle a. Passé, voilà, avec exactement. Rayon papier, et elle m'apparaissait comme flou au début, puis ça s'est précisé petit à petit, mais tout était là déjà dans le yaourt. Est-ce que lorsque tu composes une chanson, c'est le premier jet, ça doit se faire rapidement, c'est là maintenant, le rayon est là, il faut vite le capter? Alors, y a un peu de tout. Mais je dois reconnaître que les morceaux qui marchent le mieux, qui marchent, bon, c'est un terme peut-être pas très heureux, mais en tout cas qui ont plus d'accueil du public, qui sont le mieux reçus, c'est les morceaux qui me viennent d'un coup, ouais. Tel un coup de foudre. C'est vraiment. Il y a un morceau, notamment un morceau que je chante a cappella, qui m'est venu, mais vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'ai ouvert la bouche, enfin, j'ai eu tout d'un coup une sensation, j'ai quelque chose qui m'est monté dans le corps. Ah, t'avais un magnéto, tu l'as pas écrit? Je l'ai écrit. Je l'ai écrit, puis tout de suite après, je l'ai enregistré, mais c'est le texte qui est venu là pour le coup, texte et musique, mais tout est arrivé, mais en un bloc, je l'ai sorti. C'était un bloc d'émotions qui est sorti tout seul, c'est hallucinant. Enfin, moi, ça m'a... ce jour-là, j'ai un peu surpris. Ouais, ça m'a surpris, ouais. C'était un bloc, un vrai bloc. Il n'y a rien eu à retravailler derrière, elle est comme ça, et j'ai envie de la chanter comme ça sur scène. Y a pas jeu, aucune rature, la chanson. Voilà, pure. Pure et simple. Est-ce que tu peux me la réciter? Ah, la réciter sans la chanter, je sais pas si j'arrive. Okay. Okay. Mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'écrire en français ou si l'anglais, tu l'as mis de côté pour pouvoir te consacrer au français ou c'est pas un problème? Au début, ça a été un problème, effectivement. Je me suis posé la question, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je prenne une décision. Est-ce que le français va venir? Je voulais éventuellement décider, ouais. Sauf que tout de suite après, j'ai eu un petit groupe de chansons françaises et puis des anglaises sont revenues. Je dis bon, allez, laisse tomber, on verra bien. J'ai pas à décider quoi que ce soit. L'inspiration viendra dans la langue. Je vais assumer d'avoir des inspirations de langue. Exactement. Voire plus, on verra. Tu parles plusieurs langues ? Alors, en fait, moi, en sixième, j'étais en trilingue, donc j'avais l'anglais et l'espagnol depuis la sixième. Donc c'est vrai que c'était deux langues qui étaient fortes chez moi et qui me plaisaient énormément, qui font partie de mon imaginaire, en fait. Donc, Puis as-tu étudié par la suite d'autres langues ou tu t'es arrêté l'anglais-français ? Non, je suis restée en anglais-espagnol. Après, le créole, paraît-il, est justement un mélange de ces langues-là. C'est ça qui est rigolo, le créole. On parle en Martinique, c'est un mélange de dialectes africains, d'espagnol, d'anglais, avec les, évidemment... avec les colonies, les machins, voilà, c'est un mélange de ces langues-là, en fait, donc c'est rigolo. Quoique moi, j'habite dans une auberge de jeunesse, juste ici, la rue Aristide Bruin, ouais. Et nous sommes plusieurs dans la chambre, et j'étais avec un Italien, puis il disait tranquillement, il dit, ah, l'Italien ressemble en anglais, l'Italien ressemble au français, il se met à parler en italien, j'ai rien compris. Je trouve pas que ça dépend. Moi, j'ai aucune affinité avec les langues, à part le français. Aucune affinité. L'anglais, je suis unilingue, vraiment, il n'y a pas la flambée. Depuis combien d'années tu t'es dit que la chanson était quelque chose de plus fort que tout le reste dans l'art? Ah, mais ça voudrait dire que je me suis dit ça? Ben, si tu t'es adonné à faire plus de chansons que de théâtre. Que d'autres. Ah oui, d'accord, parce que ça a pris le dessus pour moi dans mes besoins d'expression. Ouais. Tu consacres davantage à la chanson. Ou peut-être qu'il y a des cycles où tu vas être plus théâtre, d'autres tu vas être. Non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est depuis 2014, la chanson a pris le dessus, ouais, clairement. Qu'est-ce qu'il y a fait durant ces trois années-là pour que tu puisses dire, c'est ça qui. Bah après, c'est une question de temps et d'énergie aussi, hein. Ça prend beaucoup. Je me suis dit aussi à un moment donné, si c'est ça que j'ai envie de développer, il vaut mieux que je le fasse prioritairement. Parce que c'est toujours pareil, dans la vie, partout où tu vas, il y a des choses qui rebondissent. Oui, donc si tu as envie que ça rebondisse dans un milieu, vaut mieux y être. Il faut privilégier certaines choses, voilà. À un moment donné, sinon tu n'avances pas. Il faut se concentrer, voilà. Focuser sur quelque chose. Et puis c'est un... Voilà, on m'avait proposé beaucoup de projets jusqu'à maintenant, les projets sur lesquels je travaillais, c'était beaucoup de propositions par rapport à des rencontres, à des choses qui m'étaient un peu tombées dessus. Et c'est vrai que du coup, comme je m'étais jamais mise à chercher, quand je me suis dit, bah maintenant c'est la musique, plus rien n'est vraiment venu puisque j'ai commencé à être plus dans le réseau musical, ça s'est un peu fait comme ça. Mais c'est vrai que... j'ai mille fois plus de tracks en tant que chanteuse. Mais tu es seule, donc tu n'as pas la troupe. T'as pas la troupe. Et puis c'est mes textes, il faut avoir quand même le courage de les défendre. Oui. Et ma musique. Et si tu te plantes, ben c'est toi qui te plantes, c'est pas c'est les autres comédiens peuvent te. Après, j'ai une forme trio, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de mettre l'accent sur le solo parce que quelque part, c'est une sensation aussi qui est très intéressante d'être livrée à soi-même. Donc, devant un micro, les gens sont plus attentifs qu'un trio. Il y a de ça, c'est vrai qu'il y a une meilleure rencontre avec le public, je trouve que c'est plus fort. Et c'est vrai que je m'y retrouve un peu plus parce que c'est un défi aussi d'arriver à trouver les bons arrangements, de trouver les bons musiciens, d'arriver à ce que ça fonctionne de manière fluide. Oui, lendemain des souvenirs et des rêves versés en vin, le réveil se fait lourd et incertain, chaque pas traîne fuyant le lointain. Ailleurs il fait beau et sous mon toit il pleure l'eau des eaux, je me noie dans la joie. J'ai des pensées à l'ombre, des idéaux. Oh, comme les nuages s'en bas. Encore ce soir, traverserai-je sans encombre ce voyage, où m'échouerai-je sans souffle sur le rivage. Oh, comme les nuages s'en bas. Encore ce soir, la lune se détourne, le bout de ce voile me laisse dans le noir de mes cauchemars. Derrière l'horizon, les piles, les tristes mirages de ma vie. Château de poussière, reste d'utopie, macabre ondulation de traces d'envie. Sous un manteau, le temps va de toutes mes fraîches années. Seconde après seconde, tout est passé. Ce que tu tiens va bientôt s'effriter. Oh, comme les nuages sont bas. Encore ce soir, traverserai-je sans encombre ce voyage, où m'échouerai-je sans souffle sur les rivages. La lune se détourne, le bout de ce voile me laisse dans le noir de mes cauchemars. Dehors, les oiseaux m'offrent leur toute dernière note d'espoir. Le soleil rougit fond, ça se fera, et la nuit suit de tout près ses étoiles. Au-delà des mots, du savoir et de l'être, de la voix, je m'effondre tout au fond, tout noir de noir, plus de temps pour remettre les trottoirs. Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. Traverserai-je sans encombre ce voyage? M'échouerai-je sans souffle sur le rivage? Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. La lune se détourne au bout de ce voile, me laisse dans le noir de mes cauchemars. Pratique, hein, voilà, c'est ça, ouais, que ça accompagne bien le projet. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que quand je joue solo et trio, j'ai de très bons retours aussi sur le solo. Au début, je pensais que c'était la sous-forme. Et en fait, les retours que j'ai eus m'ont fait comprendre qu'en fait, non, il n'y avait pas à rougir de cette forme-là, qu'elle existait bien. C'est beaucoup plus facile de s'en aller avec une guitare que de s'en aller avec un groupe, ça coûte moins cher. Alors là, voilà, il y a aussi cette question bêtement technique et logistique, au niveau de l'organisation aussi, pour trouver des dates avec le programmateur. Ouais. Là, on me propose une date, je regarde dans mon calendrier, et puis c'est bon, j'ai pas besoin d'appeler. Surtout que quand la scène fait juste ça, c'est pas grave, t'as la guitare, c'est ça. Il y a un côté où je suis beaucoup plus libre d'aller un peu partout, je peux me balader avec ma guitare dans le dos. Bouges-tu beaucoup sur scène? Alors, je suis un petit peu prise au piège du fameux de la croix, en fait. On dit le piège de la croix. Voilà, le pied de micro, la guitare, ça bloque pas mal. Après, tu as un solo de guitare, tu peux te décrocher du micro. Mais j'ai pas de solo. Okay. C'est okay. Là que quand même, tu vois, je suis pas non plus guitariste. Ok, donc c'est tes tributaires de la mélodie, ouais, et des paroles. Tout à fait. Après, voilà, je trouve des formes ailleurs, c'est-à-dire que maintenant, je suis en train de... justement, j'ai mon a cappella, donc ça me libère. J'ai un petit morceau ukulélé, c'est un autre rapport aussi. Je peux un peu me bouger un peu différemment. Et puis, à force, avec la scène, je me rends compte que quand même, j'arrive à trouver justement une... Mon corps trouve une autre place, en fait. Il bouge J'assume plus ma guitare aussi, elle me bloque moins. Ça, c'est à force. Parce qu'elle fait partie de toi, maintenant. Exactement. Au début, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose en dehors de toi. Ouais. C'est comme des lunettes au début. Hein. T'as des lunettes, ouais. On dirait que c'est je sens même plus. Je sens mes lunettes. Ah, je les ai sur. C'est ça. La guitare devient la même entité que toi. Tout à fait. Il y a un vrai dialogue avec la voix. Et moi, c'est ça aussi, quand je passe du trio au solo, ça arrive. Je peux enchaîner des dates solo-trio. Et ça me fait bizarre parfois parce que je suis prise dans leur timing. Enfin, même si c'est un tempo, par exemple, on s'est mis d'accord ensemble sur le tempo, je m'aperçois à quel point je fluctue dans mon interprétation. Je me balade, je m'arrête si j'ai envie. Ils suivent pas toujours, justement. Okay. Après, il faut trouver, trouver cette confiance-là. Ils sont quand même assez bons pour improviser. Oui. Non, c'est des très bons musiciens. Okay. Hein. Ouais. Mais toi, tandis que toi, la guitare, tu peux partir quand tu veux. Voilà. T'es pas obligé de te Quand je suis seule, je fais ce que je veux. Voilà. Je peux faire une pause à un moment donné. Tu veux même changer des chansons de... Voilà, changer l'ordre de set, m'adapter en fonction de ce que je ressens. C'est quelque chose que je cherche beaucoup en ce moment, justement. Tu préparais des dialogues, même si tu sais pas parler. Je prépare un peu des transitions, puisqu'il y a des choses qui me semblent importantes, que j'ai envie de transmettre aussi, tout aussi. De raconter, de mettre en situation. Autant que les chansons, j'ai envie de transmettre des textes. Mmh. Parce que Parce que c'est vrai que TBO, c'est un nom qui vient de la phrase anglaise « The balance is one », l'équilibre est un, qui est un peu une sorte de « tous pour un pour tous, tous pour un », une sorte d'appel. Et tous pourris, comme disait Coluche. Un pour tous, tous pour voilà, un. Voilà, sans cette petite fin-là, mais en tout cas, j'ai envie de croire que, voilà, que si on cherche son propre équilibre, si on essaye de se faire du bien, on peut à ce moment-là faire du bien aux autres et se faire du bien. Voilà. Oui, le yin et le yang. Voilà, trouver un équilibre, je pense que c'est important. Et du coup, j'essaye sur ma page Facebook, dans les concerts, de partager des bonnes nouvelles. Parce que je trouve que dans ce monde, on est. Voilà, je trouve que dans ce monde, on est trop souvent happé par. On est surinformé, on est informé en cours de route de mauvaises nouvelles et qui sont. C'est très paniquant. Oh ben, il a de la voile. Et surtout, la contre-information n'a jamais sa place. Donc, on nous fait. Voilà. On nous présente une information qui voilà. n'est pas juste. Moi, voilà, quand j'entends la radio, quand je regarde, quand je lis le journal, quand ça m'arrive, parce que je le fais de moins en moins, parce que moi, ça me déprime complètement, je vois pas le je vois la pas nécessité. Les. Pourquoi enfoncer le clou à ce point-là? Pourquoi? Puis, on n'a pas envie, quoi. Tu lis ça le matin, t'as pas envie dans la journée. Moi, je pense que pour essayer un peu de changer le monde, entre guillemets, pour essayer un peu d'aller vers un mieux, je pense que c'est nécessaire d'avoir de bonnes énergies, quoi, et puis l'espoir que ça puisse fonctionner. Si tous les matins tu te prends ta petite dose de mauvaises nouvelles, tu restes chez toi à râler et à dire que le monde est pourri, quoi. Hein. Si tu te nourris mal, tu vas. C'est ça. Et en tant qu'artiste, je pense qu'en plus vraiment c'est nécessaire. Hein. Je suis pas la seule, quand même, à essayer d'aller chercher le positif, parce qu'on est là pour ça, quand même, je pense. En donner tant qu'artiste, du rêve, on mettre est là du rêve. Pour essayer d'inverser cette énergie-là. Hein. Est-ce que dans l'écriture, tu as des choses à dire? Tu prends la plume pour revendiquer quelque chose? Ou pour raconter des histoires, simplement? Qui veulent dire quelque chose, quand même? Non, je m'aperçois que, effectivement, je suis pas tellement dans le récit. Je suis plus dans... forcément, je me base... C'est très intime. Je parle beaucoup de choses que je traverse, hein, mais je pense que... Je suis la mieux placée pour en parler. Je me connais un petit peu. Et puis je pense que voilà, je peux pas raconter ce que peuvent traverser d'autres personnes que moi. Je pense que forcément. Tu peux fabuler, tu peux. C'est vrai que je suis plus moi dans quelque chose d'assez proche de ce que je peux traverser, de ce que je peux être, de mes recherches, de mes quêtes. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu mon vécu. Voilà, j'écris sur. J'ai écrit un morceau sur la disparition d'un ami, j'écris des choses, mais en essayant de poétiser, en essayant de... De trouver la lumière à travers... De trouver, exactement, t'as tout compris, c'est exactement ça. Moi, Cesaria Evora est une chanteuse que je trouve magnifique pour ça. C'est quelqu'un qui a réussi à nous faire danser sur ses tristesses. Ah oui, enfin, c'est ça, voilà, elle arrive à dire des choses tristissimes, mais on est en train d'ensouiller. Malgré tout, on danse. Voilà, et je trouve que ça, c'est hyper fort. Et je pense que c'est ma vraie recherche. Finalement, il y a presque un militantisme là-dedans, presque, de vouloir dire... Ne nous laissons pas abattre, quoi. Essayons de traverser. Acceptons aussi, acceptons. Hein. Faut accueillir les émotions, c'est hyper important. Oui. Et puis surtout, comme on vit dans cette société-là, mieux vaut ne pas se rebuter et de perdre d'énergie à refuser. C'est ça, exactement. Donc, parce que finalement, c'est ça. C'est pour ça que je dis changer le monde entre guillemets, parce qu'on peut pas changer le monde s'il veut pas être changé. Et puis surtout, on peut pas changer à l'extérieur. C'est pour ça que, pour moi, ça part de soi. Enfin, on peut pas aller contre l'énergie globale. Il faut aller vers soi pour pouvoir se rendre aux autres. Exactement. Ouais, ouais. Puis Tori Amos, est-ce que c'est quelqu'un que tu écoutais ou que tu écoutes ou... Qui ça? Tori Amos. Ah, un petit peu, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle défend. Ben, c'est parce qu'elle aussi, elle part d'elle-même pour. Ouais, ouais. Mais c'est du piano, mais peu importe. Son écriture est très personnelle. Oui, tout à fait. Bah, Camille aussi, elle dit chose. Oui. Elle dit, je suis tombée sur une interview où elle dit quasiment mot pour mot parfois ce que je dis. C'est pour ça que je sais qu'on est nombreux à être dans cette quête-là, et heureusement, parce qu'on a besoin de gens dans cette énergie-là pour se renforcer, continuer. Et surtout de se déprogrammer de tout ce qui est négatif. C'est ça. Oui, parce que je m'aperçois que c'est. T'emploies le bon terme, quoi. Déprogrammer, parce que je crois que c'est vraiment rentré dans les habitudes de chacun. C'est normal de lire le journal, c'est même limite bizarre si tu le fais pas, en fait. Ça fait partie du quotidien, mais moi non plus. Ouais. Je m'en sens vraiment mieux, enfin, je m'en sors mieux. J'ai l'impression que certains n'ont pas me laisser happer par ce. Et surtout se laisser salir. Bah ouais, il y a de ça, hein. On se laisse toucher et après on se demande pourquoi on marche la tête baissée. Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est les médias qui nous incitent à devenir un peu oui. esclaves. Ouais, ouais. de la noirceur. Ah bah, tout à fait. Hein. Après, j'avais lu que, soi-disant, une des raisons potentielles, c'était que ça faisait acheter. C'est-à-dire qu'on est tous fascinés par le négatif, on a une espèce d'attirance pour le négatif, et ça ferait, soi-disant, acheter. Sauf que j'ai vu une étude récemment qui dit exactement le contraire, qui dit que si on mettait des bonnes nouvelles... Et en fait, il y a un journal, du coup, je ne sais plus lequel c'est maintenant. Qui ne publie que des bonnes nouvelles. Il y a pas que, okay. Mais qui en met aussi. Ah parce qu'en en fait, nous... il fait un petit livret de bonnes nouvelles. Ah, c'est bon, mais nous avions un journal qui, je crois la page 5-6, qui annonçait la belle nouvelle du jour. Ah bah cool. Mais elle était publicisée par une compagnie de voitures. Ah. C'est épouvantable, c'est quand même hallucinant. Voilà, il avait senti, lui, la récupération de la ouais. C'est une bonne nouvelle, mais c'est ouais. Grâce à... C'est une marque de voiture. Il y a un super magazine qui s'appelle le magazine Kaizen, qui est dans cette dynamique-là, qui est, ça veut dire pas à pas. Ouais. Et mais c'est vraiment pour dire... Je comprends très bien. On peut, c'est l'idée de dire on peut changer le monde petit à petit, ouais. Chacun à son ouais. Niveau. Et c'est un journal qui est uniquement orienté sur voilà, des gens qui essayent à leur mesure, chacun, de développer des choses pour améliorer un tas de domaines. Voilà, l'écologie, la transmission, l'enseignement, le la formation. Le cinéma positif, tant mieux. La littérature positive, tant mieux. Bah, voilà, il y a plein de choses finalement. Quand on commence à aller gratter, moi je suis abonnée à une newsletter qui s'appelle positive.fr, qui est géniale. Qui est, voilà, tous les jours, je me prends ma petite dose. Il y a énormément de choses qui vont dans ce sens-là, heureusement. Parce qu'en même temps, en te nourrissant de ces informations-là, on rayonne sans le savoir. Mais c'est ça, exactement. Même pourquoi? Sans forcément toutes les transmettre, non. On porte ça en soi. Non, mais c'est toi qui, de l'intérieur... Exactement. On va attendre un peu parce que c'est rare que ça fonctionne comme ça. Ça peut passer, mais là, non, ils abusent là. Non, regarde, on va laisser une chance. Le train va passer. Là. Après, il n'y aura plus qu'un dong à la tête. Oui, hein. Swirling in the wind, I fall on my heart down to pieces. I can hear you stare at the flight that leads me to tears. Waltzing with the clouds, I'm done with hiding me on the ground. I wanna forget. So was bounds. Oh, flying with the sun. The more will you touch my feathers, you'll be the first and last in time that hurt me so much. I am calling you out of love. Stars. Fire. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Ah ouais, et le meilleur compliment que je reçois souvent en sortie de scène, c'est que j'ai fait du bien aux gens. Voilà. Ouais. Moi, pour moi, ça c'est gagné. Quand on dit que je les ai consolés, que je leur ai fait du bien, c'est... voilà. Es-tu surprise souvent de la réaction des gens quand on dit ben écoute, j'ai passé un dur moment, j'ai eu un cancer, j'ai écouté une de tes chansons puis ça m'a aidé à... As-tu des échos comme ça? Ben en fait... Par courriel ou... Non, enfin si, enfin en sortie de scène plutôt après le live. Après les gens, non, j'ai pas trop de retours sur de l'écoute en dehors de, à part des amis proches, mais pas tellement. Puis en plus, malheureusement, le CD n'est pas encore sorti, donc j'ai pas encore de CD là. Ouais. Mais tu y travailles depuis quand même quelques temps. Bah oui, là maintenant c'est en train là. Je suis en train d'y travailler là sur une sortie d'EP. Moi j'ai écouté des chansons sur YouTube. Oui oui, il y a des vidéos sur YouTube, il y a même des enregistrements aussi, j'ai un SoundCloud, il y a d'anciens enregistrements aussi. On peut parce même que j'ai enregistré de ta voix, pour des publicités, histoire de. Ah bah oui, ça c'est la petite chose que j'ai gardée de comédienne, c'est que je fais des voix, notamment pour RFI, voilà, je fais des annonces de concerts, des choses comme ça. Oui, c'est pas mal ça. Moi j'ai écouté ça. Parce que les gens qui veulent t'embaucher, ben t'écoutes, hein, parce que voilà. Il y a de quoi faire. Ah, ouais, mais c'est rigolo. Mais ton travail ça te permet de vivre un peu. RFI, voilà, j'essaye de compléter entre les cachets concerts et cachets. Est-ce que tu fais beaucoup de tournées? Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles par année? Une quarantaine? Ça commence à se densifier, ouais. Moi, là, vraiment, là. Ouais, je suis à. Bon, après, toutes ne sont pas. Après, tu vois, il y a aussi des dates qu'on fait pour la rencontre. Mais là, en juin, par exemple, j'avais 6 concerts, quoi. Dont le 21 juin, j'en avais 2 le même jour. Hein. Non, évidemment pas. Okay. Le mois de juin, il y a eu beaucoup de choses plutôt rencontres. Hein? Aucun spectacle rémunéré sur les six. Si, il y en a eu 2 en cachet et après, il y avait des chapeaux. Ok. Les gens, est-ce qu'ils sont généreux quand tu passes le chapeau? Alors, à Paris, pas toujours. Okay. Après, ça dépend des contextes. Ça dépend vraiment des contextes. Par exemple, il y a des endroits qui sont vraiment où ça marche bien, parce que si ça dépend aussi de l'accueil du lieu, comment ça a été expliqué aux gens, comment c'est présenté, ça dépend de la fréquence des concerts, ça dépend d'un tas de données. Mais c'est vrai que souvent, si, c'est quand même pas trop mal. Moi, au début, quand j'avais commencé, quand je faisais le duo avec Alex, on s'en sortait pas trop mal quand même. Ouais, ça allait. Mais c'est vrai que là, par exemple, je vais jouer en Belgique là en juillet. Et c'est vrai que j'avais déjà fait une première petite tournée justement de concerts en appartement. Et les concerts en appartement, ça, c'est bien, ça. Là, ça marche bien. Les gens, ils sont là pour ça. Donc, ils sont venus écouter un concert, ils sont pas venus boire un verre. Voilà, ils sont venus pour ça, ils sont préparés, ils sont invités par un ami. La soirée est organisée exprès. Ah, ouais. Et ça marche très très bien. Oui, oui. Puis c'est bien pour toi aussi parce que ça crée une intimité. Oui, il y a un vrai lien. Et moi, voilà. Tu es chez quelqu'un. Ouais, exactement. Puis on t'a invité. Donc c'est ça. Ouais. Et après, oui, et puis du coup, on parle avant, après, on passe la soirée ensemble. Ah oui, tu prends un verre avec vraiment tout le monde. Un bel échange. Tu fais partie de la vie. Ouais, exactement. Tu vois que l'on a invité et qui va nous divertir. Moi, c'est aussi pour ça que je fais de la musique, c'est sûr. Ah oui, c'est parce bien, que ça. Là, il y a un vrai moment. Hein? Ah, est-ce que tu en fais beaucoup? Alors, du coup, comme je te disais, en Belgique, ça a été assez facile de développer ça parce que je suis tombée sur un super bonhomme aussi qui fait tourner des artistes, mais juste pour le plaisir. Il a des contacts, il a des gens qui souhaitent accueillir dans. Donc, je suis tombée sur cette personne qui m'a donné plein de contacts, qui a organisé plusieurs concerts. C'est grâce à lui que je reviens aussi en juillet. Et en fait. Tu fais combien de spectacles en juillet là-bas? 3. Je vais faire un concert en appart, je vais faire les apéros du parc Josaphat, qui sont assez connus. C'est dans la ville, dans Bruxelles. Okay. C'est un rendez-vous tous les étés, tous les week-ends. Au moins une centaine de personnes? Ah bah là il y a du monde, ouais, paraît-il. J'y suis pas. J'y suis pas allée, donc je sais pas, mais en tout cas, apparemment, il y a beaucoup de monde. Ouais. Sachant pas. Oui, moi je suis toujours traqueuse. Après, à force de chanter quand même, ça commence à se tasser. Ouais, voilà. Parce que tu sais qu'est-ce que tu peux donner, donc c'est moins. Disons que voilà, tu te connais mieux. Puis tu as un peu cumulé des tas de contextes différents aussi, parce que c'est ça qui peut donner le trac aussi. Parfois, c'est quand t'arrives, tu fais ah bon, il y a ça qui il y a des choses qui marchent pas. Ouais. Donc à force, tu sais que tu t'en sors toujours, que tu trouves toujours des solutions. Les chansons sont rodées, sont plus en plus faciles à roder aussi, parce que même si on a des nouvelles, on est plus confort, donc ça descend plus vite. Mais ouais, donc le trac, il est en train de se tasser un peu, mais il est encore bien là. Mais l'intérêt d'attendre avant d'anticiper, parce que ça peut être un intérêt positif, c'est que les chansons vont avoir vécu avant d'être sur un album. Ouais, oui, donc, oui. Donc, c'est pas fraîchement écrit, fraîchement rentré en studio, puis déballé comme ça. C'est vrai que ça, je sais pas, tout le monde, enfin, il y a toutes les manières de faire qui existent, évidemment, ouais. Comme... Mais celle-là, je trouve que c'est la meilleure. Mais je pense aussi, moi, j'ai envie vraiment de tourner, rôder, et ensuite sortir quelque chose qui est mûri, t'as raison, par la parce scène, parce que tu dis que même Philippe Catherine, qui a fait un album à un moment donné, studio, puis après ça, il a fait une tournée, il est revenu faire le même album. Ah oui. C'était plus speed, c'était moins. C'est 100 fois meilleur. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, donc c'est quand ça vit, c'est là que tu te dis, mais celle-là, je pense que sur 10, ça ne fonctionnera pas. Sur 5, c'est oui, mieux. Voilà, c'est ça. Voilà, tu arrives à faire la part des choses aussi. Et puis, tu as même presque cédulé là, dans ta tête la formule qui sera présentée sur le disque. Ouais, donc, tu es prêt. Tu es prêt. Parce que tu les connais, tes chansons. Ouais. Et voilà, tu me confortes dans. mais est-ce que tu trouves ça enivrant plus que le théâtre, la chanson? C'est vrai que c'est très différent. Hein. Moi, je sais que la musique, quand je suis seule, je peux prendre mon temps, mais c'est vrai qu'il y a une rythmique en théâtre aussi qu'il faut respecter. Moi, ouais. Je sais que ça m'angoissait. Ça. Okay. Ouais. Je me disais qu'il fallait être dans le cadre, fallait être prêt au bon moment, fallait arriver à se... Moi, j'avais beaucoup plus de mal, je crois, à prendre de la distance et à lâcher prise, en fait. Après le spectacle? Pendant. Parce que c'est important en tant que comédien de lâcher prise, ben oui. De se laisser porter, d'avoir des réactions. Écouter les autres. Voilà, c'est ça, être dans l'écoute. Par, tu regardes quelqu'un au exactement. Loin. Puis, hey, c'est ma partition. Puis voilà, c'est ça. Et du coup, ça, je sais que j'ai eu du mal, moi. Je me rappelle que j'étais très en contrôle. Donc sur scène, je me disais, bon, lâche, ce qui n'est pas hyper efficace, mais oui, c'est atroce. J'essayais de me dire, mais vas-y, rentre dedans, quoi, parce qu'il y avait des moments où j'étais trop à l'extérieur, en fait. Plus tu fais la pièce, plus tu es habitué. Mais c'est ça aussi le problème. Je pense que comme j'ai fait des projets quand même, mais voilà. Moi, c'est ce qui m'a frustrée en théâtre. Ouais. Hein. C'est que l'air de rien, tu répètes beaucoup, tu crées ton truc et tout, puis après, parfois tu sais pas pourquoi ça marche pas, t'arrives pas, la diffusion fonctionne pas, et du coup tu vas te retrouver à jouer trois fois le spectacle en tout, ça alors que t'as tout donné, et du coup t'as pas assez, du coup t'as jamais le moment où tu arrives à être un peu dedans, justement, t'es vraiment dedans, aller, voilà, exactement. Donc ça m'a frustré. Moi, tout de suite dans la musique, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que je me suis dit, si je veux, maintenant, je prends ma guitare et je joue un truc si j'ai envie, voilà, bonjour, je m'appelle Tébéo et je vais jouer un morceau. Et ça, je trouve qu'il y a une plus grande liberté, j'ai l'impression. Le théâtre, il faut mettre en route une sacrée machine pour arriver. En plus, tu fais partie d'un groupe, s'il y a des membres qui sont pas en pleine forme, ça va répercuter Je trouve que c'est plus lourd comme machine. Après, je sais pas si je réponds exactement à ta question, je pense que j'éprouve beaucoup plus de liberté et de satisfaction, effectivement, pour être avec moment. Ma petite guitare dans le dos, et pour le moment. Ouais. Est-ce que le travail de chanteuse et de comédienne se chevauche lorsque tu chantes? Est-ce que tu peux... Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, parce que d'ailleurs, j'en suis très triste, parce que des fois, je me dis, j'ai été comédienne, quand même, je devrais savoir un peu... Mais tu ne penses pas de faire un one-woman show, c'est-à-dire que des dialogues, des chansons... Non, pas du tout. OK. Enfin, peut-être un jour, je ne dis pas du tout pour le moment, mais c'est vrai que, justement, je me suis rendu compte, parce que j'ai été un peu... J'ai bénéficié d'un petit peu de coaching scénique, parce que justement, j'étais un peu embêtée entre les morceaux. Je voyais bien que j'étais timide, je voyais bien que j'arrivais pas à me positionner, que je... Et les retours qu'on m'a fait, je me dis, mais ça, je sais en fait, normalement, je sais faire. Mais pour Tébéo, je sais pas, parce que quelque part, même si j'ai pris un nom de scène, je reste Johanne, je pense, sur scène. Pourquoi t'as décidé de prendre un nom de scène? Alors ça, ouais, on m'a beaucoup posé la question, parce qu'en plus, on me dit que j'ai un joli prénom. Johanne, c'est vrai que c'est assez atypique. Enfin, ça pourrait être en soi un nom de scène. Pourquoi est-ce que tu aurais pu juste garder ton prénom? Je sais pas, je pense... Ou c'est pour dissocier un peu la comédienne, la chanteuse? Peut-être aussi, parce que c'est vrai, quand j'ai vraiment commencé la musique, j'étais encore un peu comédienne, donc il y avait peut-être cette nécessité-là. Peut-être, c'est vrai. Ça peut être aussi bête que ça, mais je pense qu'il y a un côté... j'ai besoin de prendre un costume de scène, et le nom de scène va avec. Je passe le cap de la scène. J'ai besoin d'avoir un nom. Ouais. Et... Et en plus, là, vraiment, je suis heureuse du nom que j'ai parce que vraiment, c'est un nom qui me porte, là, pour le coup, au quotidien. Mais quoi. Comment ça s'est passé pour que ce nom-là t'arrive? Alors, en fait, j'avais un autre nom de scène à un moment donné. On peut le voir d'ailleurs sur certaines vidéos parce que j'ai laissé certaines vidéos du nom où je m'appelais Fée encore. Et en fait, j'ai découvert parce que Fée, c'est un nom trop court pour Google et compagnie, voilà. Et deux lettres, en fait, ça sort pas, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et du coup, non seulement mon nom sortait pas quand on me cherchait, mais en plus, le nom d'un autre groupe qui s'appelait Fée ne sortait pas et j'ai fini par en entendre parler. Okay. Du coup, j'ai dû changer de nom. On t'a incité fortement à changer de nom. Ah bah, eux, non, ils savent même pas que j'existe, je pense, parce que non plus, ils m'ont pas vu. Ah, okay. mais moi, je me suis dit, je veux pas, voilà. J'ai vu qu'ils étaient là depuis plus longtemps que moi, je me suis inclinée, j'ai fait OK, d'accord. Mais quand tu regardes la typographie, c'est bien parce qu'il y a des accents aigus. Non, il n'y en a plus. Ah, bah bien. T'es Bayon? Ah, mince. Pas ça? C'est où ça que t'as eu? Bah, ouais, sur ton site... Il y en avait au début. J'ai changé, en fait. Ouais. Désolée. Non. Alors, mais les accents aigus sont tombés, ouais. OK. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, à force, je les ai trouvés pas jolis. Je trouvais que ça gênait le... La typographie? Ouais, au niveau typo, ouais. Ok. Je trouvais ça un peu lourd. Et pour l'écrire aussi, pour me chercher. Je sais pas si ça veut pas dire quelque chose dans une autre langue. Si, justement, c'est ce que je te disais. C'est les initiales, en fait, de la phrase anglaise. The balance is one. T-B-I-O, en fait. Voilà. Je sais pas comment ça m'est... Enfin, si, je sais. Enfin, cette phrase m'est revenue quand je cherchais un nom de scène. Cette phrase m'est revenue, mais bon, The Balance is One, ça va être un petit peu long quand même. J'aimais la symbolique de la phrase et tout. Et en fait, j'ai eu l'idée de garder les initiales, je sais même plus comment, TBIO, je me dis, TBIO, ça marche très bien en fait. J'ai tout appelé à SACEM pour savoir si c'était libre, et c'était libre, donc on est parti. Ok, tu as sauté sur l'occasion. Mm-hmm. Est-ce que tu sens le fil conducteur depuis le début dans tes chansons? Le fil conducteur, c'est-à-dire au niveau des thématiques ou au niveau de... Au niveau de ce que tu veux raconter. Alors, je sais qu'il y a des thématiques qui reviennent, et c'est rigolo parce que dans mes chansons françaises, du coup, c'est devenu très évident parce que les titres sont assez évidents. Il y a « À la lune », « Comme les nuages »,« Sous l'orage ». Et je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup, je faisais beaucoup appel au ciel, en fait, à la nature et au ciel plus précisément. Et j'utilise beaucoup d'images, la lune, le soleil, les nuages. Ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe là-haut, là. Ouais. T'es-tu souvent couché sur le sol pour regarder Ah, j'adore ça. Ah ouais. Parce qu'on peut s'imaginer avec les nuages, n'importe quelle forme. Ah ouais. C'est quelque chose qui dit tellement, qui dit aussi l'immensité. Moi, ça me rappelle qu'on est dans quelque chose d'immense et que ça rappelle l'infini. Mm-hmm. Et ça fait vachement relativiser. Oui, c'est vrai. Quand on a des petits soucis, voilà, tu te rappelles que t'es vraiment une petite fourmi, là. Surtout que plus tu montes, plus t'es rien. C'est ça. Donc il y a un côté, moi, ça me rassure en fait. Ouais, le ciel me rappelle que bon, rien n'est bien grave finalement. Exactement. Et on est content d'être là. Ça minimise. Voilà. J'ai 10 questions et j'ai bien. À chaque fois, c'est toujours intéressant parce qu'on peut aller plus loin dans ces. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Si j'étais un liquide. Je vois que l'eau de la rivière, moi. Mm-hmm. Ça coule de source. Ça coule de source. Ou j'aimerais m'en inspirer plus parce qu'on dit souvent qu'on n'est qu'un bouchon dans la rivière qu'il faudrait parfois lâcher parce que gros, on ne peut pas grand chose. Hein. Ça peut être agréable de se laisser aller aussi. Voilà, exactement. On ne sait pas où ça peut nous amener. C'est ça. Donc, et il y a un dicton que j'adore créole qui dit Sakitao, la rivière pas cachayei. Ça veut dire... Tu sais ce que ça veut dire, non? Non, mais redis-le, moi, je vais essayer. Sakitao, la rivière, pas cachaillée. Ça cache quelque chose? Non. Non, vas-y. Ce qui est à toi, la rivière ne l'emporte pas. Oh, c'est beau. Il y a un côté, à un moment donné, où... De toute façon, quoi que tu fasses, si la rivière emporte... que c'était pas pour toi. Si elle l'emporte pas, c'est que c'était à toi. Enfin, tu pensais que c'était dans une chanson, cette phrase-là, en français? Faudrait, ouais. Ouais, c'est beau. Ouais, ouais. C'est beau. Mais même en créole, hein. Ouais, ça pourrait, tu vois. Non, mais entre chaque chanson, tu dois raconter traduire. Ça. Oui. Non, mais raconter, juste dire qu'est-ce que ça veut dire. Oui, t'as raison. Parce que les noms, tu sais, c'est beau, mais si on l'entend puis on connaît pas le Non, mais tu sais quoi, voilà, j'en prends l'engagement aujourd'hui. Je vais faire une chanson là-dessus. Si tu étais une langue. Le créole, du coup. Hein. Mm-hmm. Le créole que je maîtrise peu, finalement. Je Parce le que comprends. C'est une langue compliquée. Ah bah non, très simple. Il y a un côté... c'est comme un français simplifié, en fait. C'est un français qui va droit au but. Puis c'est une langue qui est vachement imagée, en fait. Alors, souvent, il n'y a pas de sujet, il y a juste un verbe qui... Si, il y a le sujet, mais... Est-ce qu'on peut comprendre, nous, le... Moi, non, mais les autres... Je sais pas. Je pense que tu peux plus le comprendre quand c'est écrit, parce que finalement, tu reconnaîtras les mots. Ah oui, tu peux t'arrêter aussi. Si parce que, par exemple, « Sakitao », peut-être que « ça », tu t'entends « ça ».« Ça ». « Ce », finalement. « Qui », c'est comme le « qui hein, », sauf que ça s'écrit « kai ». Et « tao », c'est « à toi ».« Tao ». Je pense que ça... Ce on qui peut... est à toi. Ce qui est à toi. Tu vois ? Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui, d'instinct, on pourrait le traduire. Mais... voilà. Non, mais en tout cas, pour le côté mélange, pour le côté, confrontation aussi, un mélange un peu contradictoire de langues, d'un tas de langues. Si tu étais une époque. Une époque. Une époque. Ha! Ça, j'ai souhaité vivre à pas mal d'époques, mais... Attends, je vais regarder chez ça. Oh, non, qu'est-ce que ça va paraître défaitiste si je dis ça. Non, vas-y. Non, j'aimerais vivre dans un futur heureux. Ah oui. Ah, j'aimerais oui. vivre. Ouais. J'aimerais vivre. Tu connais le film. C'est comment déjà La Belle Verte. Oui, de Colin Serrault. Exactement. Bah, oui. J'aimerais vivre à cette époque, moi. Ah oui. À une époque où on serait tellement réconcilié avec nous-mêmes, qu'on aurait des super capacités, qu'on serait dans le bonheur, dans le bien-être, dans la simplicité. On ferait péter tout ce béton, tout ce machin. Parce que c'est vrai que là, ce qui est un petit peu, parfois, même si j'ai envie de rester positive, ce qui est un petit peu dur, c'est que ça paraît difficile de revenir en arrière. Ouais. Vu comment on est engagé. Même si c'est presque impossible. Alors que ce film de Colin Serrault nous laisse imaginer qu'on pourrait revenir en arrière. Donc. C'est vrai, c'est un beau film. Donc c'est, ouais, du coup, c'est un avenir qui revient en arrière, qui reviendrait à la base, à la nature. À la... Je trouve que ce film est magnifique. Si tu étais un aliment. Alors, un aliment. Bah, il faut quelque chose de doux et sucré déjà. Sucré, ça c'est sûr. Un fruit. Ouais, ah, une pêche. Ouais. As-tu goûté les lyonnaises, les pêches lyonnaises, rouge, la chair rouge à l'intérieur? Ah! C'est bon. Ah, moi je préfère les pêches blanches, moi. Ah, ok. Ah, ouais. Parce que c'est sucré, j'ai jamais mangé des pêches, ah, oui. C'est sucré. Ah oui? C'est sucré? Oui, oui. Et si tu étais une saison? Oh, ben... moi d'ailleurs je l'inventerais. J'inventerais entre le printemps et l'été. Okay. Parce que je trouve que le printemps il dure jamais assez longtemps finalement et il est parfois un peu dur parce qu'il est trop, il est froid, il se cherche, tout ça. Oui. Et après l'été, quand l'été arrive, parfois il y a trop de chaleur. Trop lourd. Moi mais j'aimerais t'es pas bien. De supporter la chaleur avec mais ta non, peau, c'est drôle hein. Ouais, c'est, ouais. Ouais, ouais, non, moi trop de chaud me plaît pas, trop de froid non plus. Ah ouais, c'est tempéré comme ça. Voilà. Ouais. Si tu étais un membre corporel. À qui ça? Un membre du corps. Corporel. Bah tu vois, j'ai fait ça, hein, c'est ouais, les mains. C'est la main. Pour la guitare, c'est quand même assez... Bah la guitare, et puis j'aurais pu dire les cordes vocales, mais en même temps, justement, mais moi ça c'est peut-être même presque un défaut, c'est que je cherche trop à tenir les choses, il faudrait que je l'apprenne à lâcher prise. Ah, oui, oui, du coup oui. Ça, les mains, il faut leur dire de lâcher. Ouais, lâcher, ouais. Ah, mais c'est vrai. Si tu étais un moment de la journée. Ah, le moment de la journée. J'adore un moment au niveau de la lumière. J'adore quand c'est... Et puis j'aime bien aussi le nom qu'on lui a donné, entre chien oui, et loup. Oui, oui. J'adore ce moment. Après, et qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Tu relaxes et... Oh, pas toujours, malheureusement. Mais okay. J'aimerais... Quand je suis dehors, oui. Quand je suis dehors, c'est un moment qui me fait du bien. Je trouve que c'est un apaisement. On se prépare pour... Il y a une espèce de ralentissement, je trouve. Ça sent l'apéro? Exactement. Oui. Lágrimas de sol, el verano nuestro amor. Llueve la ciudad, cheveux d'automne sur son visage. Los locos de amor, entre la plumage. Et les couleurs d'adieu se dévanisquent sous l'orage. Tristas se esconden au fond des jours. Elles viennent tout drac sans las comme au premier rendez-vous. Sobre los tejados, tous les nuages et les promesses de l'aube fondent sous l'orage. Sous l'orage. Sous l'orage. sta come sta che lo è verano questo amore mia bella ciuda un po' di tempo ci sono bizzarro è l'inverno secondo giusto al fondo dei sole e la si spera in pace si glace sulla individu. Faut que ce soit quelqu'un de précis, c'est ça? Oui, pas libre forcément. Libre cours. Oh là là, je bug. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est une sacrée question. Ah, je vais y répondre en... Ah, vas-y. Je sens... En citant un artiste. Ah oui ah. Tété. Oui. Il dit une de ses chansons Pépé, sur... Tété. Ok, Tété, oui. T-E-T-E. T-E, ouais. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai fait certaines de ses premières parties. Il a écrit la chanson « N'être que soi ». Ah, voilà. Et il dit « N'être que soi ». Personne n'est meilleur à ce jeu-là. Mmh. Voilà. C'est simple, mais ça veut tout dire. C'est beau, mais à la fois, j'aimerais tellement y arriver, parce que souvent, je me dis que j'aimerais bien être différente, vachement plus mieux. Vachement plus mieux. Autrement meilleur. Wow, vachement plus mieux. C'est autrement meilleur. Voilà, exactement. Mais j'aimerais m'inspirer de oui. cette chanson de Tété. Voilà. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ah, ça, c'est une grande question. Parce que c'est vrai que... Je sens que j'ai une petite pression d'avoir justement trouvé ma voie un peu tard, okay. dans tous les sens du terme. Donc c'est vrai que des fois, moi, je suis très, trouvé. Très... Au moins, tu l'as trouvé. On peut se dire ça aussi. C'est vrai qu'on peut passer toute une vie finalement on parlait de positivité. À se chercher. Et c'est vrai que je me suis trouvée. Un peu tard, peut-être, mais je me suis trouvée, donc c'est bien. Ouais, mais t'as pas 60 ans quand même. Non, mais c'est vrai que dans la musique, je trouve que parfois, on demande aux gens de faire vite. Il y a un côté... Mais c'est un luxe de prendre son temps, non? Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être là que je résiste aussi quelque part. Je prends le temps. Alors, dans cette société, on nous laisse pas trop le loisir de le prendre. Non, il faut le prendre, le temps. Le prendre. Ouais, ouais. Donc, on dira non. Alors, je suis contente d'avoir traversé. Ça m'a, tout ce grandi. Que j'ai traversé m'a, oui, m'a enrichi. Et, m'a... et ça te fait des textes tout à fait particuliers aussi, plus senti, plus singuliers. Sans doute. Puis le fait de ne pas avoir... Parce que des fois, je me suis dit, ça aurait été pas mal de faire une école de musique pour faire de la musique. Mais quelque part, le fait d'avoir fait une école de scéno, d'avoir été comédienne, oui, voilà, j'avais un oncle qui était sur le chemin, qui m'a transmis dirigé. Pas mal de choses, mais peut-être que, voilà, justement, ma manière d'apprendre la musique est particulière parce que je ne suis pas passée par une école de musique, voilà. Et que je me suis un peu fabriquée tout seule. Est-ce que tu sais lire le solfège? Ben, j'ai fait 4 ans de piano, assez récemment. C'est quand même plus compliqué le piano. Bah ouais, ça m'a plu, mais j'ai pas beaucoup persévéré. J'ai toujours un piano chez moi, mais je n'en joue pas beaucoup. Ouais, j'ai pris mais c'est ça aussi, ça t'sais, casse. Il y a 88 petits trucs là. C'est pas. Il y en a 6, la guitare en a 6. C'est ça. Il faut que tu saches un peu. Moi, mon rapport à la guitare, il est beaucoup plus instinctif. C'est ouais. clair. Hein. Je compose un peu comme ça, à l'envie. Et c'est vrai que le piano, c'est plus. Mais par contre, ça m'a appris aussi un langage. Je voulais connaître un peu le langage pour parler avec d'autres musiciens. Je trouve que c'est important aussi de savoir un petit peu de quoi on parle. Mais en même temps, la guitare, c'est quelque chose de plus naturel. C'est oui, fait en bois, aussi. Ça vient d'un arbre, il y a la communication. Un piano, bon, tu vas me dire, oui, mais il y a des touches, il y a beaucoup d'interventions. Tandis que là, il y a juste la manche en bois, les cordes, ça finit là. Donc, le bois est quelque chose de plus naturel. Oui. Es-tu une personne axée sur le côté zen, sur le côté végétarien? Es-tu végétarienne ou... Non, mais je me questionne. OK. Ah, alors il y a peut-être un changement. Je mange, j'essaie de faire attention à ma consommation de viande, parce qu'effectivement, c'est ni sain pour le corps, ni bon pour la planète. Enfin, c'est vrai que la viande, c'est quand même mais ça peut assez être catastrophique, uniquement bon. Enfin, surtout la viande rouge. Oui. Mais j'adore ça. Le problème, c'est ça. J'aime beaucoup la viande rouge. Mais du coup, j'essaie vraiment d'en prendre une de qualité, bio. Okay. J'essaie de savoir que l'animal a été élevé dans de bonnes conditions. Ouais. Donc j'essaie au moins de consommer intelligemment et de réduire et d'avoir cette conscience-là. Après, je ne suis pas complètement végétarienne, ça de loin pas. Ah, c'est bien, tu as raison. Parce que on est juste une belle vie, puis quand tu peux manger un bon steak... C'est toujours la question entre le plaisir et la conscience aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on fait de cette planète. Moi, je pense que c'est important aussi de se faire plaisir, c'est sûr, mais d'essayer d'être en cohérence. D'être conscient aussi de ce que l'on fait. Et d'être conscient, faut essayer de... Après, oui, j'essaye de faire du yoga le matin pour essayer de me mettre dans de bonnes dispositions. J'essaye d'être... Je suis dans une recherche permanente de bien-être, oui. Mais je sais pas, mais ça peut être aussi faux de ma part de m'imaginer ça, mais on dirait que tu es une fille active, tu as plein de choses à faire. On devait se rencontrer plus tard, mais là, tu avais d'autres... Puis on devait se rencontrer à un autre moment, tu pouvais être une fille avec un agenda tout à fait... Il est un petit peu rempli, ouais, mais c'est le problème quand on développe son projet, hein. On est un peu seul aux manettes, on se retrouve à tout faire. Il y a la diffusion, il y a la com, il y a l'organisation des dates à venir. Là, je suis en train de préparer les prochaines dates. Je pars dans le Vercors le 8 juillet. Ensuite, je pars en Belgique mi-juillet. Ensuite, j'ai des dates en septembre, en octobre. Alors, ça part, ça... C'est super, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'essaye de gérer tout ça. De rester un peu dans le zen et le yoga, parce que c'est pas toujours facile. Parce que quand on... Ben, on voit déjà que tu as le stress qui monte quand tu parles. C'est ça, rien que d'en parler, ça me stresse. Mais oui, le côté mailing, être sur l'ordinateur, c'est très prenant, ça éloigne un peu de la musique parfois. Est-ce que tu fais du yoga? Le matin j'essaye. Pour te centrer? Ouais, voilà. Ça je fais la position de l'arbre, super. Ça fait du bien? Ouais. Est-ce que ça t'arrive? Ça ouvre, là. Oui. Est-ce que ça t'arrive dans la forêt? Faire des câlins aux arbres. Et puis? Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ok, mais tu sens qu'il se passe quelque chose? Moi je sens des ondes. Ah ouais? Moi je sens des ondes aussi, non pas pour des questions religieuses, parce que je suis pas croyante, mais j'adore aller dans les églises, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens y ont déposé des énergies, c'est pas possible autrement. Ouais. Moi je perçois énormément de choses dans la tranquillité. Il y a ça aussi, c'est vrai que c'est rare, tout d'un coup on rentre, souvent on est dans une ville ou un village, tout d'un coup on rentre là-dedans, il y a un grand calme. Je trouve que c'est des espaces qui font vachement de bien, mais je suis sûre qu'il y a plein d'énergie là-dedans. Quoi. Mais tu sais qu'au Québec, on barre les églises quand il n'y a pas de messe. Quoi? On barre les églises. Les portes sont fermées. On peut pas rentrer? Ouais. Non. Aucune? Parce que dans la majorité, quand c'est pas des grandes, des grosses églises là, touristiques, là, parce que les gens allaient briser des choses, là, parce que le christianisme a pris sa place, donc il y a des plus jeunes qui brisaient des... Ah ouais? Alors, dur. C'est vrai que là, c'est encore respecté ici, Encore combien de temps, on ne sait pas. Donc, on va en profiter. Ouais. Et donc, je sais que tu as des activités bientôt, là. Tout à l'heure, tu dois partir. Non, ça va. Je sais plus. Non, je crois pas. Je sais plus. Ah, on ne devait pas se rencontrer à 18h30, mais tu avais quelque chose? Non, je crois pas. Ah non? OK. Alors, t'es... Non. Okay. Je suis plutôt cool, là, ça va. Enfin, cool. J'ai des choses à faire, sûr, mais... Okay. Mais ton travail de chanteuse, ça prend trop de place, donc tu as éliminé le fait d'être comédienne, tu l'as mis en sourdine. Tu l'as pas éliminé, mais tu l'as mis en sourdine. Oui, comédienne, moi, c'est resté de côté, c'est resté de côté. Mais je dis pas non définitivement. Il y a des fois, j'ai un peu un rêve d'y retourner un peu, mais peut-être aussi par le biais de la chanson, ça va peut-être être un truc combiné, quelque chose de combiné. En Afrique du Sud, il y a une tribu qui s'appelle la tribu Babemba. Et dans cette tribu, quand quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, on le place au centre du village pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, tous les membres de la communauté viennent lui rendre visite pour lui rappeler un bon souvenir partagé ensemble, un un service qu'il aurait rendu, une qualité qu'on apprécie chez lui. Parce que dans cette tribu, chacun et chacune est persuadé que l'homme est fondamentalement bon. We all have a curtain we won't open to anyone. We all have a fountain of wonders we protect from everyone. We all have mountains which always rise up in our ways. We all have hurricanes of doubt and questions in our heads. We have lifetime, yeah. We have a lifetime to complete ourselves. We all try to flee the desert of prisons to be there. We all feel the sun that every day chases our dreams away. We all try to flee the cloud that buried it all in black. We all feel the ocean that threatens to hold us back. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.